Pour du plaisir garanti, c'est au club de golf de Chibougamau qu'il faut aller. Que ce soit pour une partie à la journée ou pour devenir membre, le club de golf de Chibougamau est l'un des plus beaux clubs dans la région, avec la qualité des verres qui fait l'envie de plusieurs clubs. De plus, nous offrons la salle pour vos différentes réceptions. Appelez sans tarder au 418-748-4709. Le club de golf de Chibougamau est très heureux de participer à la chronique du directeur général Michel Lallemand et souhaite une bonne année aux différents golfeurs du circuit. On va parler de golf, c'est la chronique du club de golf de Chibougamau avec Michel Lallemand. Salut Michel. Bon matin, Danny. Michel, si on parlait d'abord du championnat du club la semaine passée, déjà le championnat du club, c'est déjà, ça veut dire que l'année achève déjà. Je pense que Marc-Olivier Bougie a continué à très très bien jouer, hein? Vraiment trop dominant. Ouais. Écoute, deux rondes de 69, avec, il a gagné par plus de 12 coups. Hey. Donc le grand champion avec 138. Mm. Chez les dames, la grande championne René-Claude Gay avec 185. Okay, okay. On avait une quarantaine de joueurs. Très belle température pendant les deux journées. Une belle compétition qui, oui, malheureusement, annonce qu'on s'en va plus vers la fin de la saison qu'on était en début de printemps. Ah, c'est une très, très belle année, donc, évidemment. Dans les autres catégories? Dans les autres catégories, dans le A, c'est Nelson Miamskoum. Mm. Dans le B, Steve Larouche. Dans le B, Alain Poirier. Et Félix Seigneur, Bernard Levertu. Okay. Dans le B, chez les dames, c'est Claire L'Espérance. Claire L'Espérance qui a remporté la victoire. Donc, OK. Quarantaine de joueurs, à peu près, hein? Une quarantaine de joueurs. OK. Donc, ça s'équivaut avec les autres années, à peu près. Malheureusement, de moins en moins de gens qui apprécient la formule compétition. OK. Et en tout cas, il faut respecter les choix des personnes, mais ceux et celles qui étaient là ont vraiment aimé leur fin de semaine. Ça s'est fait de beau temps, donc... C'était beau, les deux journées, ouais, okay. Beau soleil. Mur à mur, 25 degrés, parcours excellent, très très belles conditions. OK, donc ça donne quand même des belles bourses, c'est ça? Oui, ça okay. Donne c'est des bons d'achat parce que notre commanditaire Intersport, Sport Expert maintenant, ouais. Commanditait des bons d'achat aux différents gagnants. OK, on va y aller maintenant avec... On va y aller avec Pierre-Alexandre Bédard qui débute son tournoi en fin de semaine. Ça m'a arrêté pour Pierre-Alexandre, le plus gros tournoi. J'ai pas parlé avec Daniel cette semaine. Donc, par contre, je sais que ça a très, très... Il a certainement pas joué comme il aurait voulu. Ben, c'est ça. La première journée était difficile. Il avait route plus 4. Ouais. Et il était des routes très, très loin des meneurs qui étaient à moins 9. Mm. Le lendemain, il a roulé moins 3. Mais ça n'a pas été suffisant pour faire la cote qui était à moins 1, alors que lui était plus 1 au total. OK. Donc, il y a également Lucas Dupéré également, qui est de Dolbeau-Missassini, qui était là-bas également. Et dans le cas de Lucas, il a bien joué la première ronde. Par contre, c'était insuffisant pour jouer la deuxième ronde et il évitait la coupure également. Il est dans les promotions. Dans les promotions, toujours accessibles à tout le monde. Ouais. Donc, on invite tous les gens à venir nous voir. Le terrain est ouvert, il est beau. Puis, là-dessus, on se quitte. On se reparle la semaine prochaine, mon ami. OK. Donc, voilà, c'était Michel Lallemand, le directeur général du Club de